C'est marrant, une femme comme ça, ça ferait croire n'importe quoi. Ça vous prend pour un voleur lorsqu'elle vous donne son petit cœur, c'est marrant, une femme comme ça, ça ne se voit qu'au cinéma. Ça peut rire, parfois pleurer, vous adorer et vous déchirer. Moi, près d'elle, je suis bien, très bien, trop bien. Si bien, c'est mon petit démon. Mais elle est partie loin, très loin, trop loin, si loin. Et tout ça, sans raison. C'est marrant, une femme comme ça, ça ne boit que du Coca-Cola. Ça s'enivre d'un baiser. Oui, mais c'est moi qu'il faut soigner. Malgré que je sois fort, très fort, trop fort, si fort et parfois méchant. De la perdre j'ai peur, très peur, trop peur, si peur que je me sens tout tremblant. C'est marrant, un homme comme ça, ça joue les durs, mais voilà, ça n'est plus qu'un cœur qui bat lorsqu'il rencontre une femme comme...